changé. Rien n'est écrit, rien n'est gravé. Promis, juré, pour nous sauver. Je veux bien en été. Promis juré, je peux changer. Rien n'est écrit, rien n'est gravé. Promis